pour Noël, je suis dans le désert. Est-ce qu'on peut vous aider, monsieur? Eh, mon Dieu, oui, c'est pour ma conjointe. D'accord, quels sont ses goûts? Ah, c'était la question que j'allais vous poser. Pour ton cadeau, je sais pas quoi faire. Alors, un nouvel ordinateur pour monsieur? Peut-être, là. T'sais, quel processeur il veut? Ben, 4 cylindres, là. Le temps divide, je perds la raison. Les mains vides, je rentre à la maison. Les mains vides, je rentre à la maison. À la librairie, je te cherche un beau cadeau. Tout ce que j'ai vu, c'est Justin Trudeau. Es-tu beau? Livre en main, complètement dans sa bulle. Il lisait l'Alberta pour les nuls. Moi, je trouve rien, je rentre à la maison. Je magasine à Vanier, quartier qui veulent revitaliser. Alors, comme vous savez, la Renaissance de Vanier passe par les arts. Et on a demandé à un artiste de composer l'hymne de Vanier, composé de belles sonorités naturelles de notre beau quartier. Et attention, 3, 4. Pour promenade, le Père Noël exige que les petits marmots lui parle juste en français. Quelle idée d'embaucher Jean-Paul Perrault. Hello, Santa. Oh, oh, oh, suivante. J'entre au musée qui sera plus civilisé. Harper veut raconter l'histoire canadienne. Mais je comprends pas, y'a jamais eu besoin de musée pour conter des histoires aux Canadiens. Oh, pis entre-temps, je reviens chez nous, pis j'ai rien. Sur la nouvelle 50, de ville en ville, je butine les ventes. La route et la vue sont très douces, sauf pour un gars bizarre qui fait du pouce. Notre journaliste Patrick Pilon, lui, a choisi une autoroute 50 qu'il a parcourue à pied de Papineauville à Terceau. Venez me chercher! C'est plus drôle, là, il neige! Ici Patrick Pilon, Radio-Canada, à pied! Je suis dans une boutique à Montebello. Un jour sur deux, ils ont des problèmes d'eau. Je paye en liquide et comme de raison. Il me redonne mon change dans un chaudron. Il me dit qu'il faut que je le fasse bouillir rendu à maison. Toute la semaine, on voit des croches à la commission Charbonneau. Quand vient le week-end, moi je décroche au son de la meilleure radio. Au mercantile, le Tentation qui anime des monsieur caves. Je préfère les divines tentations qu'anime une madame grenier. Puis à la bijouterie, je croise Michel Picard qui cherche une émeraude pour ses 40 ans en or. Hey, c'est pas rien ça. Petit comparatif, un mandat de 40 ans, ça c'est 1,7 Gilles Vaillancourt, 3,6 Gérald Tremblay, puis 20 Rob Ford. On est 11 novembre, j'ai oublié ce que je veux t'offrir. Ils peuvent m'appeler ce jour du souvenir. Les mains vides à la maison, je dois revenir. J'suis tanné de magasiner. J'ai cherché et puis recherché. Je dois t'avouer que j'ai rien trouvé. Dans le fond, tant que t'es avec moi dans notre maison, oh, tant que t'es là, mon Noël sera bon. Comme ça, t'as rien trouvé. Ben, t'aimes-tu les cravates? Pas vraiment. Ok, non, j'ai rien trouvé. Je suis même allé m'asseoir ses genoux du Père Noël des promenades pour lui demander tes cadeaux. Puis? Ben, il était un peu grincheux. Ah! Ben, quand tu m'as demandé c'était quoi mon petit nom, ouais, j'aurais peut-être pas dû dire Howard Galganov. T'es niaiseux.